Chichibobo cité. Yeah. Chichi le mec de la cité. Ouais ouais. Ok, Chichi Pogo cité. Après 3-5, yeah. Après la guerre. Après la guerre, y'a pas l'amour, y'a la paix, on m'a dit. Tu veux braquer, pense d'abord à ce que maman dit. Chez moi c'est Hawaï l'été. On pense déjà à ce qu'on va regretter. Les amis te laissent parce que trop endettés. Bizarre, tes potes te voient comme une carte Visa. Les hommes deviennent matérialistes ou t'abuses. J'ai le charme des bloqués. J'puce de plus les gars, dis que ce que Schumacher voit sur son bolide, le compteur bloqué. MC, soccer, chez moi si tu deux. On te dit vas-y bouge ou alors motherfucker. Rapper, c'est pas la seule chose qui me préoccupe. Tu veux une femme, porte tes boules et bouge là en procure. Recule, jamais devant ton adversaire. Tu perdrais ton combat et la chance d'y baiser sa mère. J'suis un lascar, un requin, un renard. J'baisse tout ce qui bouge, trop vénère quand t'es marre. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la fécaille, ça veut le BM quand ça craille. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la fécaille, ça veut le BM quand ça craille. Tant tu vois avec le rap, j'veux montrer que j'suis là. Que moi aussi j'arrive à grimper toutes ces étapes. Ici pour une femme ça t'étale. En moi y'a le chétan. Sur le terrain j'veux faire glisser comme Zlatan. C'est l'été mon pote. Sors le short et les tatanes. Ça taille à la plage, y'a de la quince à la dalle. Chez nous c'est son à balle devant David. Si y'a pas le ballon ça joue, tu vas m'en péter un vide. Le soir ça dort pas, ça cherche des plans à faire. Si ça trouve pas, y'a toujours quelque chose à faire. C'est la galère, ça charbonne pour tes croches. Chez moi la plupart des grands dans leur tête sont des gosses. Ça se fait des pompes pour la gonflette. Dans le checker quand y'a plus de guerre, ça pratique la branlette. Ici c'est tout, lever les mains en l'air. C'est pas un contrôle de ham, une partie de jambes en l'air. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la fécaille, ça veut le BM quand ça craille. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la fécaille, ça veut le BM quand ça craille. Moi j'suis blessé comme un innocent troll. Comme un petit qui peut voir sa mère sur une tombe. Trop de larmes ont coulé, donc j'mets la gomme. Moi la charge la prendrai le jour où on me la donne. Comme Kara, ils veulent me voir perdre les pédales. Ils veulent tous la place, moi ils ont tous la dalle. Tu me croyais mort, enterré hors système. Alors que moi j'suis là, à poser pour la cité. Moi j'suis toujours le même, yeah. J'suis comme ces jeunes qui s'envoient en Sebago et en Ralph Lauren. Si le rap c'est un sage, j'le prends un coup de paquet. Coup de coude, high kick et des fois un coup de paquet. Toujours en mode zone, c'est pour cette ma zone. Demande à la stress comment les songes, les zing zing. L'adolescence les baisé, toujours à chercher des chiennes à baiser. La rancune cherche plus, j'l'ai laissé. Tu vois le scénario, le rap c'est paquet. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la flécaille, ça veut le BM quand ça craille. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la flécaille, ça veut le BM quand ça craille. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la flécaille, ça veut le BM quand ça craille. Tu vois le scénario, le rap c'est pâté. Faut mettre le feu comme le feu zéro mar. Un 3-5 chacal, Marseille qui cracaille. Nique la flécaille, ça veut le BM quand ça craille.